Un son bizarre, hein. Et là, ça marche. Thank you. Allez, dis-le. Écoute. We'll be right back.

We'll be right back. perdu le. Qu'est-ce que c'est ce glisse. Don't remember? We'll be right back. We'll be right back. Sur la batterie, le mec. Intro longue. Ils y vont à fond sur les cymbales. We'll be right back. Salut. Attends, je vais te répondre. Attends, c'est allez-y. Attends, je vais t'écrire.